de Maurice Maeterlinck, La vie des termites. Bibliothèque numérique romande. Table des matières. Introduction. La termitière. L'alimentation. Les ouvriers. Les soldats. Le couple royal. L'essaimage. Les ravages. La puissance occulte. La morale de la termitière. Les destinées. L'instinct et l'intelligence. Bibliographie. Édition 1926. Introduction. 1. La vie des termites, non plus que la vie des abeilles, dont toutes les assertions ont été reconnues exactes par les spécialistes, n'est pas une biographie romancée comme il est démodé d'en faire en ce moment. Je suis resté fidèle au principe qui m'a guidé dans l'œuvre précédente, qui est de ne jamais céder à la tentation d'ajouter un merveilleux imaginé ou complaisant au merveilleux réel. Étant moins jeune, il m'est plus facile de résister à cette tentation, car les années apprennent peu à peu à tout homme que la vérité seule est merveilleuse. Entre autres choses, elles apprennent aussi à l'écrivain que ce sont les ornements qui vieillissent d'abord et plus vite que lui, et que seuls les faits strictement exposés et les réflexions sobrement, nettement formulées ont chance d'avoir demain à peu près le même aspect qu'aujourd'hui. Je n'ai donc pas avancé un fait, rapporté une observation qui ne soit incontestée et facilement vérifiable. C'est le premier devoir quand il s'agit d'un monde aussi peu connu, aussi déconcertant que celui où nous allons pénétrer. La plus innocente fantaisie, la plus légère exagération, la plus petite inexactitude enlèverait à une étude de ce genre tout crédit et tout intérêt. J'espère qu'il y en a fort peu, à moins que sur quelques points je n'aie moi-même été induit en erreur par ceux que j'ai suivis, ce qui n'est guère probable, car je n'ai fait état que des travaux d'entomologistes professionnels, écrivains purement objectifs et très froids, qui n'ont que le culte de l'observation scientifique et qui même la plupart du temps ne paraissent pas se rendre compte du caractère extraordinaire de l'insecte qu'ils étudient et en tout cas ne se soucient aucunement d'y insister et de le mettre en valeur. J'ai emprunté peu de choses aux récits de centaines de voyageurs qui nous ont parlé des termites et qui sont souvent sujets à caution, soit qu'ils reproduisent sans critique des racontars d'indigènes, soit qu'ils paraissent enclins à l'exagération. Je n'ai fait d'exception à cette règle que lorsqu'il s'agissait d'explorateurs illustres, d'un David Livingstone, par exemple, doublé d'ailleurs d'un naturaliste savant et scrupuleux. Il eût été facile, à propos de chaque affirmation, d'alourdir le bas des pages de notes et de références. Il est tel chapitre où il aurait fallu en hérisser toutes les phrases et où la glose eût dévoré le texte, comme dans les plus rébarbatifs de nos manuels scolaires. Je pense que la bibliographie sommaire que le lecteur trouvera à la fin du volume en tiendra lieu d'autant plus avantageusement que la littérature consacrée aux termites n'est pas encore encombrante comme celle des abeilles. Voilà pour les faits. Je les ai trouvés épars, diffus, dissimulés, en 100 endroits divers, souvent sans signification parce qu'ils étaient isolés. Comme dans la vie des abeilles, mon rôle s'est borné à les relier, à les grouper aussi harmonieusement que j'ai pu, à les laisser agir les uns sur les autres, à les envelopper de quelques réflexions pertinentes et surtout à les mettre en lumière, car les mystères de la termitière sont plus ignorés que ceux de la ruche, même des curieux, de jour en jour plus nombreux, qui s'intéressent spécialement aux insectes. Seule l'interprétation de ces faits m'appartient plus ou moins, comme elle appartient au lecteur qui en tirera peut-être des conclusions tout à fait différentes. C'est du reste la seule chose qui appartienne à l'historien. Et la monographie d'un insecte, surtout d'un insecte aussi singulier, n'est en somme que l'histoire d'une peuplade inconnue, d'une peuplade qui semble par moments originaire d'une autre planète, et cette histoire demande à être traitée de la même façon méthodique et désintéressée que l'histoire des hommes. Le livre fera, si l'on veut, le pendant de La vie des abeilles, mais la couleur et le milieu ne sont pas les mêmes. C'est en quelque sorte le jour et la nuit, l'aube et le crépuscule, le ciel et l'enfer. D'un côté, du moins à première vue, et à condition de ne pas trop approfondir, car la ruche, elle aussi, a ses drames et ses misères, tout est lumière, printemps, été, soleil, parfum, espace, elle, azur, rosée et félicité sans égale, parmi les allégresses de la terre. De l'autre, tout est ténèbres, oppression souterraine, âpreté, avarice sordide et ordurière, atmosphère de cachot, de bagne et de sépulcre. Mais aussi au sommet, sacrifice beaucoup plus complet, plus héroïque, plus réfléchi et plus intelligent à une idée ou à un instinct. Peu importe le nom, les résultats sont pareils, démesurés et presque infinis. Ce qui, somme toute, compense bien des beautés apparentes, rapproche de nous les victimes, nous les rend presque fraternelles et, à certains égards, bien plus que les abeilles ou que tout autre être vivant sur cette terre, fait de ces malheureux insectes les précurseurs et les préfigurateurs de nos propres destins. 2. Les entomologistes, s'en rapportant aux géologues, conjecturent que la civilisation des termites, qu'on appelle vulgairement fourmis blanches, bien qu'elle soit d'un blanc fort douteux, précède de 100 millions d'années l'apparition de l'homme sur notre planète. Ces conjectures sont difficilement contrôlables. Du reste, comme il arrive fréquemment, les savants ne sont pas d'accord. Les uns, N. Holmgren, par exemple, les rattachant aux proto-balatoïdes qui s'éteignent dans le Permien, les reculent ainsi dans la nuit sans mesure et sans fond de la fin du primaire. D'autres les trouvent dans le Lias, d'Angleterre, d'Allemagne et de Suisse, c'est-à-dire dans le secondaire. D'autres, enfin, ne les découvrent que dans l'Éocène supérieur, c'est-à-dire dans le tertiaire. On en a identifié 150 espèces incrustées dans l'ambre fossile. Quoi qu'il en soit, les termites remontent certainement à quelques millions d'années, ce qui est déjà satisfaisant. Cette civilisation, la plus ancienne que l'on connaisse, est la plus curieuse, la plus complexe, la plus intelligente et, en un sens, la plus logique, la mieux adaptée aux difficultés de l'existence qui, avant la nôtre, se soit manifestée sur ce globe. À plusieurs points de vue, encore que féroce, sinistre et souvent répugnante, elle est supérieure à celle des abeilles, des fourmis et de l'homme même. 3. La littérature consacrée aux termites est loin d'être aussi riche que celle qui s'est accumulée autour des abeilles et des fourmis. Le premier entomologiste qui s'en soit sérieusement occupé est J.G. Koenig, qui vécut longtemps aux Indes, à Trankbar, dans le district de Madras, où il eut le loisir de les étudier. Il mourut en 1785. Vint ensuite Henri Smithman, qui est avec Herman Hagen le véritable père de la termitologie. Son célèbre mémoire sur certains termites africains, paru en 1781, renferme un véritable trésor d'observations et d'interprétations où ont puisé, sans l'épuiser, tous ceux qui se sont occupés de l'insecte, et les travaux de ses successeurs, notamment ceux de G.B. Haviland et de T.J. Savage, en ont presque toujours confirmé l'exactitude. Quant à Hermann Hagen de Königsberg, en 1855, il donne à la Linnea Entomologica de Berlin une monographie méthodique et complète où il analyse avec la précision, la minutie et la conscience qu'il faut bien reconnaître que les Allemands apportent à ce genre de travaux, tout ce qu'on a écrit sur les termites depuis l'Inde et l'Égypte ancienne, jusqu'à nos jours. On y trouve résumés et critiqués des centaines d'observations faites par tous les voyageurs qui les ont étudiées en Asie, en Afrique, en Amérique et en Australie. Parmi les travaux plus récents, citons avant tout ceux de Grassi et Sandias, qui fixèrent la micrologie du termite et, les premiers, soupçonnèrent le rôle étonnant de certains protozoaires dans l'intestin de l'insecte. De Charles L'Espèce, qui nous parle d'un petit termite européen qu'il appelle, peut-être à tort, le termite lucifuge. De Fritz Müller, de Filippo Silvestri, qui s'occupe des termites sud-américains. De Y. Zjochted, qui s'intéresse aux termites africains et fait avant tout œuvre de classificateur. De W. W. Frogat, qui, avec le naturaliste W. Saville Kent, épuise à peu près tout ce qu'on peut dire sur les termites australiens. De He Heg, qui s'attache spécialement aux termites du Congo, et qui, continuant le travail de Hagen et le prolongeant jusqu'en 1922, dans un ouvrage remarquable, très complet et abondamment illustré, résume presque tout ce qu'on savait à cette date sur l'insecte dont nous nous occupons. Nous avons encore Wassmann, Hahims, Nils Holmgren, le grand termitologue suédois, K. Esrich, un entomologiste allemand qui, notamment sur les termites de l'Érythrée, a fait des études extrêmement curieuses. Et enfin, pour ne pas citer inutilement tous les noms que nous retrouverons dans la bibliographie, L. R. Cleveland, qui, dans les magnifiques laboratoires de l'Université d'Harvard, poursuit depuis des années, sur les protozoaires de l'intestin de nos xylophages, des expériences et des études qui comptent parmi les plus patientes, les plus sagaces de la biologie contemporaine. N'oublions pas non plus les intéressantes monographies de E. Bugnion, que j'aurai plus d'une fois l'occasion de citer, et renvoyons sur le surplus à la bibliographie qui se trouve à la fin de ce livre. Cette littérature, bien qu'elle ne soit pas comparable à celle qu'on a consacrée aux hyménoptères, suffit néanmoins à fixer les grandes lignes d'une organisation politique, économique et sociale. En d'autres termes, d'une destinée qui préfigure peut-être, du train dont nous allons, et si nous ne réagissons pas avant qu'il soit trop tard, celle qui nous attend. Il est possible que nous y trouvions quelques indications intéressantes et de profitables leçons. Sans en excepter les abeilles et les fourmis, en ce moment il n'y a pas, je le répète, sur cette terre, d'êtres vivants qui soient tout ensemble aussi loin et aussi près de nous, aussi misérablement, aussi admirablement, aussi fraternellement humains. Nos utopistes vont chercher, aux limites où l'imagination se décompose, des modèles de société future, alors que nous en avons sous les yeux qui sont probablement aussi fantastiques, aussi invraisemblables et, qui sait, aussi prophétiques que ceux que nous pourrions trouver dans Mars, Vénus ou Jupiter. 4. Le termite n'est pas un hyménoptère comme l'abeille ou la fourmi. Sa classification scientifique, assez difficile, ne paraît pas encore établie ne varietur. Mais généralement, on le range dans le genre des orthoptères ou orthoptéroïdes névroptères, ou neuroptères, ou pseudo-névroptères, tribu des chorodans. Actuellement, il constitue un ordre distinct, celui des isoptères. Certains entomologistes, à cause de ses instincts sociaux, le classeraient volontiers parmi les hyménoptères. Les grands termites habitent exclusivement les pays chauds, tropicaux ou subtropicaux. Nous avons déjà dit qu'en dépit de son nom, il est rarement blanc. Il prend plutôt approximativement la couleur de la terre qu'il occupe. Sa taille, selon les espèces, va de 3 à 10 ou 12 millimètres, c'est-à-dire qu'elle atteint parfois celle de nos petites abeilles domestiques. L'insecte, tout au moins quant au gros de la population, car nous verrons plus loin que son polymorphisme est invraisemblable, ressemble plus ou moins à une fourmi mal dessinée, au ventre allongé, barré de stries transversales, mou ou presque larvaire. Nous verrons également qu'il est peu d'être que la nature est aussi médiocrement armée en vue de la lutte pour la vie. Il n'a pas l'aiguillon de l'abeille ni la formidable cuirasse de chitine de la fourmi, son ennemie la plus acharnée. Normalement, il n'a pas d'aile, et quand il en possède, elles ne lui sont dérisoirement prêtées qu'afin de le conduire à l'hécatombe. Il est lourd et dépourvu de toute agilité, ne peut échapper au péril par la fuite. Aussi vulnérable qu'un ver, il est offert sans défense à tous ceux qui, dans le monde des oiseaux, des reptiles, des insectes, sont avides de sa chair succulente. Il ne peut subsister que dans les régions équatoriales et, mortelle contradiction, périt dès qu'il est exposé aux rayons du soleil. Il a absolument besoin d'humidité et presque toujours est obligé de vivre dans des pays où durant 7 ou 8 mois ne tombe pas une goutte d'eau. En un mot, presque autant qu'envers l'homme, la nature à son égard s'est montrée injuste, malveillante, ironique, fantasque, illogique ou perfide. Mais aussi bien et, du moins jusqu'à ce jour, parfois mieux que l'homme, il a su tirer parti du seul avantage qu'une marâtre oublieuse, curieuse ou simplement indifférente ait bien voulu lui laisser. Une petite force qu'on ne voit pas, que chez lui nous appelons l'instinct, et chez nous, sans qu'on sache pourquoi, l'intelligence. À l'aide de cette petite force, qui n'a même pas encore un nom bien défini, il a su se transformer et se créer des armes qu'il ne possédait pas plus spontanément que nous ne possédions les nôtres. Il a su s'organiser, se rendre inexpugnable, maintenir dans ses villes la température et l'humidité qui lui sont nécessaires, assurer l'avenir, multiplier à l'infini et devenir peu à peu le plus tenace, le mieux enraciné, le plus redoutable des occupants et des conquérants de ce globe. C'est pourquoi il m'a semblé qu'il n'était pas oiseux de s'intéresser un instant à cet insecte souvent odieux, mais parfois admirable, de tous les êtres vivants que nous connaissons, celui qui, d'une misère égale à la nôtre, a su s'élever à une civilisation qui, à certains égards, n'est pas inférieure à celle que nous atteignons aujourd'hui.